Mais si nous revenons au style de péché, oui. Au style de péché, c'est le style semblable à celui de nous. Oui. Nous avons le premier style qu'on a montré dans le livre de Moïse. Dans Exode, nous avons vu effectivement ce que les Juifs ont fait. C'est quand même terrible que quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, voit Dieu dans la manifestation, puisse dire que Israël, voici ton Dieu qui est sorti, t'a fait sortir de l'Égypte. C'est terrible, frère. De connaître Dieu et aller adorer les crânes, adorer les arbres, adorer les statues. C'est terrible. Et remarquez comment le prophète Moïse a dit cela. Il a dit quoi? Que vous avez commis un grand péché. Parce qu'il connaît ce qui peut heurter Dieu. Souvenez-vous, quand Dieu citait le fait qu'il ne venait pas commettre ses péchés, il a dit que quand je suis un Dieu jaloux. C'est terrible. Je suis un Dieu jaloux. Et dans le Nouveau Testament encore, dans Hébreux chapitre 10, on réitère la même chose. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Ben, étudiez la Bible comme ça, vous allez voir ces choses-là, frère. Oui, je te dis. Oui. J'avais deux questions dans le message, le titre était. Il y a eu une question dont on a posé. Mais que on a Amen. Et qu'en répondant, vous avez fait allusion de Nebuchadnezzar. Oui. Vous avez dit qu'il sera sauvé. Oui. Et ah, c'est j'aime ces questions. Oui. Et en cheminement, vous avez aussi fait allusion à Saül. Oui. Saül, le roi d'Israël, le premier roi, oui. Qui sera également sauvé. Oui. Je vais expliquer que parce que lorsque il est parti consulter cette sorcière, dans, oui, d'Andor. Samuel est sorti. Oui. Samuel lui dit que. Tu seras avec moi ici. Avec tes fils. Oui. Et il avait dit que là où Samuel est, c'est le paradis. Oui. Ici, j'étais un peu confus parce que je connaissais d'après les écritures la conduite de Saül. Oui. Comment il était rebelle et que Dieu l'a rejeté. Mm-hmm. C'est ce que je pouvais. Voilà. Dans un enseignement sur la voie, l'ABC de la femme, quelque chose comme ça, j'ai parlé du gouvernement de Dieu. Mm-hmm. Le gouvernement de Dieu. Mm-hmm. Lorsqu'on n'a pas compris le gouvernement de Dieu, on va avoir ces genres de problèmes ici. Avant qu'on y ait, vous avez suivi sa question, n'est-ce pas? En fait, j'ai dit effectivement dans cet enseignement-là que Nebuchadnezzar, que vous voyez là, il sera sauvé. Nebuchadnezzar, le roi qui est dans la Bible là. Il sera sauvé, et c'est dans la Bible que ça se trouve. Saül, il sera sauvé parce que c'est écrit dans la Bible noir et blanc. Je vais avancer. Salomon, le fils de David, tu penses qu'il sera en enfer? Sur quelle base tu dis donc qu'il ne sera pas en enfer? L'enseignement, je voulais dire que normalement, parce qu'il ne faut pas que tu donnes les réponses en fonction de l'enseignement, il faut que tu donnes les réponses en fonction de l'écriture, d'accord? C'est pour ça qu'il pose la question ainsi. Sur quelle base tu peux dire donc à quelqu'un, à un croyant, que Salomon, lui, il sera au paradis? 1 Roi chapitre 11. N'est-ce pas merveilleux de se réunir autour de la parole comme ça et partager, frère? Très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, Chapitre 11. 1 Roi, le chapitre 11. Tout le monde y est. À partir du verset 1, nous allons lire. 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes. Écoutez bien le verset, écoutez très bien le verset, allons-y. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Oui. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Oui. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Stoppons là-bas. Sur cette base-ci, Salomon mérite l'enfer. Mmh. On est d'accord. Mmh. Parce que Dieu avait spécifiquement dit dans ce livre d'Exode là-bas que vous ne prendrez point les fils pour vos filles, et ainsi de suite. De peur que, et Dieu a dit clairement que chaque fois que vous tournez vers le monde pour chercher les femmes, ce n'est pas vous qui allez le convertir, ils vont vous convertir. C'est ce qu'il a dit là-bas. Et on dit que Salomon entraînait par l'amour, il est allé vers ces nations-là. C'est pas ça, frère. Et maintenant, en fait, la preuve, c'est que la suite des versets vont nous dire clairement qu'il va bâtir les hauts lieux pour Astarte et pour les différentes divinités. Et on dit que son cœur est entraîné à commencer à adorer les divinités étrangères. L'idolâtrie. Pas vrai? Alors maintenant, je te pose la question, est-ce que Salomon sera en enfer? Oui. Donc il doit être en enfer. Ou bien on avance jusqu'à on voit sa mort. On avance jusqu'à sa mort. Allons-y, alors toujours. Allons-y. Il y a 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mm-hmm. Et ces femmes détournèrent son cœur. Oui. À l'époque de la vieillesse de Salomon, oui, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Vous avez entendu ça? Donc il est mort dans ça. Allons-y, verset 41-42. Donc 41-42-43. Oui, donc prenez le temps de lire tout entièrement. Lisons la fin. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Oui. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Ah mon Dieu. Roboam, son fils, régna à sa place. Vous entendez le langage biblique? Ah, non, merci ma soeur. Alors on dit qu'il se coucha avec ses pères et il fut enterré. Alors c'est quoi? Coucher avec ses pères. Ok, enterré donc c'est quoi? Puisqu'on dit qu'il est couché avant d'être enterré. On est d'accord, non? C'est quoi coucher? Oui, frère. Oui, je comprends ici. Coucher avec ses pères veut dire qu'il est en train de repos, que ses pères ont eu avant. Ok, il pose la question. Son père, David, se trouve où? En enfer? Non. Donc, alors maintenant, c'est pour ça qu'on a dit. C'est la Bible qui dit qu'il est avec ses pères. Voilà, n'est-ce pas? Regarde, on a dit coucher avec ses pères. Il y en a plein de versets par consonance là. Plein de versets consonance là. Et puis, maintenant, on dit qu'il a été enterré. C'est le corps là qu'on prend pour aller enterré. Le jour d'enterrement, on prend le corps, vous dites, oh, la personne est déjà couchée. C'est la Bible. Là, si on comprend autrement, oui, on comprendra coucher comme et enterré avec ses pères, comme là on fait le direct. Mais si on dit donc que coucher avec ses pères, c'est que le jour qu'il est mort, quand il est mort là, quand il est couché là-bas, ses pères sont là. Non. Donc il est réuni à ses pères. Ses pères. Amen. Je peux vous parler même 25 versets là maintenant, concernant cela. Si vous prenez le cas d'Aaron, vous dites Aaron, si vous regardez Aaron, vous allez voir comment quand Moïse est descendu de la montagne, dans Exode chapitre 32, il a menacé Aaron en disant que comment tu as pu laisser à ce peuple de commettre un si grand péché. Plus tard, Dieu va lui dire maintenant que Aaron va mourir en courant au courant de la route. Dieu va dire à Moïse que monte, tu vas être recueilli. Monte, tu vas être recueilli. Comme Aaron a été recueilli à son peuple. C'est terrible, hein, le langage. On passe seulement d'un côté à un autre. C'est vous que, quand vous voyez un peu le cercle, vous avez dit que je brise l'esprit de mort et chasse l'esprit de mort. Mais pourtant, on sait que si on va aller dans un endroit qui est plus glorieux. Mais quand quelqu'un voit ça chaque matin, il chasse seulement. Donc, voici le cas de Salomon. Le cas de ce Samuel-là. Après, je vais expliquer ce qu'il en est. Pour que vous compreniez ce qu'il en est. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance dans la Bible, n'est-ce pas? Dans la nouvelle alliance. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous allez permettre que j'explique vivement, ça va aller doucement pour qu'on saisisse ces choses-ci dans la Bible. Saül était un juif, n'est-ce pas? Oui. C'est le premier roi d'Israël. Oui. Il avait été choisi par la volonté du peuple, mais c'est la grâce de Dieu qui l'a amené. Amen. D'accord? Amen. Maintenant, le rejet de Salomon n'est pas rejeté d'après le peuple, mais rejeté d'après la royauté. Dieu l'a rejeté en tant que roi. Saül. Saül, oui. Non, il dit Saül, pardon. Il dit Saül, le premier roi. Il parle du roi maintenant. Il finit avec Salomon. Il voulait seulement parler un type de Salomon. Après, il faut qu'on résout ce problème-ci. Voici Salomon qui a commis le péché dans sa vieillesse. Voici qu'il est mort. Il a été réuni à ses pères. La question maintenant, c'est est-ce que si je fais le même péché aujourd'hui, est-ce qu'il serait réuni à mes pères? Là, la question est. Donc, il faut qu'on voit le pourquoi Dieu a fait ceci. Il y a un pourquoi dans la Bible. Qu'est-ce qui amène Dieu à se comporter ainsi? Alors, j'ai fini avec Salomon là maintenant. Je suis avec Saül. Il dit Saül a été rejeté en tant que roi. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va déchirer la royauté sur toi. Amen. C'est la royauté qu'il a déchiré. C'est ça qu'il a déchu. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'était le désir du peuple. Amen. Pas le désir de Dieu. Amen. D'accord, frère? Amen. C'est pour ça que j'ai parlé du gouvernement de Dieu. Le prophète David, vous savez que c'est un prophète, non? Mm-hmm. Ok. Donc le prophète David, sachant ces choses-là, c'est pour ça qu'il n'a pas porté la main sur lui. Parce que malgré qu'il est en disgrâce, l'onction de Dieu est sur lui. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. C'est pour cela que, malgré que son aide a dit que Dieu t'a livré entre ses mains, lui discernait plus profondément la volonté parfaite de Dieu. On ne porte pas la main sur loin de Dieu. Même s'il est en disgrâce, il ne peut commencer entre lui et Dieu. Amen. Donc, en tant que roi, il avait été disgracé. Mais il demeurait encore chef du peuple. Chef du peuple, mais le roi était sur quelqu'un d'autre. D'accord, frère? Donc maintenant, c'est dans cette disgrâce-là qui cherchait les voies et moyens pour s'en sortir. Remarquez très bien quand Salomon, quand le prophète Samuel est venu vers lui, dans ce 1 Corinthiens 1 Samuel 15, au lieu de tomber, c'est là où vous allez voir la différence entre quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu, qui aime Dieu, et celui qui sert par intérêt et qui n'a pas été appelé selon le profond dessein de Dieu. Vous remarquez que quand le prophète Samuel lui a dit ses iniquités, au lieu de tomber sur ses genoux, demander pardon, il voulait que Salomon, que Samuel fait devant le peuple comme s'il était encore là. Mais regardez la différence entre Gad. Quand Gad, Nathan vont aller annoncer une sanction de Dieu à David. Regardez sa réaction instantanément. L'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui sait que si tu es prostère là, Dieu va pardonner. Mais celui qui dit que viens quand même devant le peuple, offre le sacrifice avec moi, afin que le peuple m'honore. Vous entendez ça, frère? Là, c'est le peuple là qu'il avait élevé là-bas. Il fallait qu'il fasse, il satisfasse le peuple. Quelqu'un que Dieu a appelé, comme la Bible déclare dans Jérémie chapitre 23, que celui qui a assisté au conseil de Dieu dira les paroles de Dieu. C'est ici, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand ils vont dans 1 Samuel 28, elle va consulter cette femme, ce qui est déjà un problème. Parce que Dieu avait dit clairement qu'on ne trouve point chez toi les magiciens, tu nous considères point ceux qui évoquent les esprits. C'est déjà, voilà déjà la faute. Alors je pose donc la question. Cette femme avait-elle la capacité de faire sortir Samuel? Il dit, la femme, la magicienne, avait-elle la capacité spirituelle à faire monter Samuel? Samuel le prophète, puisque Samuel était mort. Je veux que vous compreniez, j'en viens. C'est une femme sorcière, une magicienne qui est du côté de Satan. Le roi va la consulter, fais-moi monter celui qui veut te dire. Il dit, fais-moi monter qui? Fais-moi monter Samuel. Elle fait les incantations, elle ne demande pas que Samuel le prophète, non. Elle fait les incantations normalement. Samuel monte, elle seule voit, elle commence à crier. La femme dit, Samuel dit quoi? Saül lui demande que qu'est-ce qu'il y a? Il dit que tu vois, vous m'avez trompé, tu es Saül. C'est là qu'il a compris que parce qu'il s'était déguisé. Quand il a vu l'être qui s'est présenté devant d'elle, il a compris que c'était le roi ici. Parce qu'il était terrifiant. Alors il a demandé que qu'est-ce que tu vois? Quand Saül lui demande qu'est-ce que tu vois, ça suppose que l'action qu'il s'est pas fait, c'est la femme seule qui voyait. Amen. Parce que les visions spirituelles. Il dit que je vois comme un Dieu qui monte de la terre. On va encore résoudre ce problème-là. Amen. Qui monte de la terre. Il dit, il pose encore la question, comment il est habillé pour identifier la personne. Il dit, c'est un vieillard qui monte avec le manteau. La Bible déclare, Samuel comprit que c'était Samuel et il se prosterne. Pas vrai ça? Ce qu'il devait faire depuis, il ne devait pas faire, c'est à sa mort qu'il venait faire. Alors, maintenant la Bible nous dit que c'est Samuel qui est monté. La question que je viens de poser avant d'avancer, c'est, est-ce que cette femme avait la puissance pour en faire monter Samuel? Non. Donc c'est Dieu qui est passé même chez le marabout pour résoudre son problème. Amen. Vous voyez ça? C'est Dieu qui est passé par là. Un marabout ne peut pas donner l'enfant. Comment un marabout peut avoir, puisque l'enfant vient de Dieu, pour mettre l'enfant dans le ventre de quelqu'un. Comment se fait-il qu'une femme peut aller chez le marabout? Bon, c'est notre premier père de manche qu'il faut résoudre maintenant. Donc, Samuel sort, il lui donne les instructions. Il dit, pourquoi m'as-tu troublé? On a dit qu'il montait du lieu de la terre. On a dit qu'il montait de la terre. Il ne descendait pas d'en haut. Parce que avant que jusqu'il ne vienne, c'était bloqué là. Il fallait qu'il vienne inaugurer la voie maintenant pour que les gens, les portes ouvrent le linteau pour monter. Amen. On est d'accord? Amen. Donc c'était en bas. Amen. Maintenant dans Luc au chapitre 19, nous voyons, dans ce Luc chapitre 16, verset 19 et 32, nous voyons l'homme riche et Lazare. Oui. On voit que l'un est en bas, l'autre est en haut. Donc ça a été inauguré. Amen. Et maintenant subitement, ceux qui sont en bas sont en train de souffrir. Et là, ici, il est question de Samuel qui est en bas mais qui ne souffre pas, il est en repos. Amen. Donc il y avait, le bas était divisé en deux. Un côté pour ceux qui doivent souffrir, pour les méchants, et un côté pour les gens qui devaient reposer avant d'entrer par la suite. C'est la Bible là maintenant. Ouais. Donc c'est dans ce compartiment qui se trouvait donc, j'arrive, suis attentivement. C'est dans ce compartiment qui se trouvait donc les prophètes. N'est-ce pas, frère? Amen. Ok. Maintenant, Samuel sort donc, il dit que pourquoi m'as-tu troublé? Puisque Dieu est devenu ton ennemi. Il te traite aujourd'hui comme je t'avais dit. Après, il dit, et même, il continue la prophétie, même dans la mort. Ah, c'est merveilleux, les prophètes. Et même. Demain, à cette heure, si tu seras avec moi ici, toi et tes fils. Ah. Tu as vu ça? Alors, le lendemain, ça s'est arrivé exactement, non? Ah oui. Donc, il est venu retrouver Samuel là-bas. Amen. C'est pas ça, frère? Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, quand on dit quelque chose dans la Bible, je vous ai dit dès le départ, quand il dit des choses dans l'enseignement, j'ai pas le temps parce que si je veux développer, ça va trop durer. Mais dans les détails, quand on est en famille comme ça, je peux les développer. Je peux les développer. Il a dit que tu seras avec moi ici. Et le lendemain, il est mort exactement comme Samuel avait dit. D'autres personnes disent que ce sont les esprits. Le Saint-Esprit dit que Samuel dit à Saül. Demain. On n'a pas dit que cet esprit-là. On a dit que cet homme qui se prend pour Samuel. Le Saint-Esprit a écrit que Samuel dit à Samuel. Donc c'était le prophète qui parlait. Amen. Alors pour le cas de Nebuchadnezzar, j'ai parlé tout à l'heure, il y a la nouvelle naissance dans la Bible, n'est-ce pas? Ok. Dans l'ancienne alliance, qui était le peuple de Dieu? J'espère que c'est compris pour le cas de Samuel, Salomon. Ok. Maintenant, dans l'ancienne alliance, qui est le peuple de Dieu? Oui. Israël, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, supposons que quelqu'un de notre nation voudrait appartenir à Israël. Quelle était la procédure? C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, oui. Comment, si quelqu'un n'est pas de la de Dieu, du peuple d'Israël, oui. s'il veut entrer dans ce peuple-là, considéré comme le peuple de Dieu, comment il y avait possibilité, pas vrai? Il y avait possibilité. Alors, avait. La question c'est comment? Oui. Oui, attends, papa, de quoi? Mais là, si tu es une femme, elle fait comment? Ça veut dire qu'on ne fait pas l'excision, n'est-ce pas? Mm-hmm. Elle pose la question. Qu'est-ce fondamentalement, d'après la Bible, qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui, mon frère. Tout simplement faire comme Naomi. Non, tu glisses à côté de Naomi. C'est à côté de Naomi que ça se trouve. Allons-y. Ruth. Alors, j'aime ça parce que vous lisez la Bible. Il se trouve dans l'entourage de Naomi. Alors, mais dis-nous ce que Ruth a fait, frère. C'est ça, c'est toi qui as trouvé la confession, disant que ton Dieu serait mon Dieu. Nous y voilà. Il quitte le Dieu du peuple parce que toutes les autres nations ont leur Dieu. Et remarquez très bien que Naomi a deux belles filles. Oui. Ruth et l'autre. Quand elle a dit, l'autre a dit, vous savez, quand les gens pleurent, même au deuil, les gens ne pleurent pas pour les mêmes motifs. Non. Quand ils s'assoient, quelqu'un fait, peut-être depuis le matin, elle n'a pas mangé. Les gens pleurent comme ça, ils pleurent. C'est ce que l'histoire de Ruth et de cette fille-là nous montre. Vous voyez, il y a une femme dans une ville là qui venait dans un deuil. Elle a commencé à pleurer. Wow, tout le monde, parce que même les gens qui avaient le deuil l'arrêtaient. Après, on se tourne, on est sur ses yeux, on demande que maman, c'est. Après, il dit qu'il est mort dessus de quoi. On dit que non, c'est pas un homme, c'est une femme. Elle se tourne encore. Donc, elle a pleuré pendant une heure. Ça, c'était une autre personne qui a pleuré. Donc, vous voyez dans le livre des rues, vous voyez ces deux personnes-là, deux personnages, ces belles filles, toutes pleurent. Pleurent. Après, elle dit que non, allez dans vos peuples, allez vers votre Dieu. Parce que même si vous voulez attendre encore, est-ce qu'il va encore avoir l'enfant, vous allez attendre que l'enfant soit pour grandir encore. Quand elle nous a montré qu'il pleurait, maman Naomi, merci beaucoup. Elle est partie. Donc elle ne pleut pas pour le même motif. Elle faisait comme si elle était trop pitié. Elle avait trop pitié d'elle. Alors qu'elle disait que je suis encore belle, je vais encore la même marier. Elle est partie vers son peuple, vers son Dieu. Elle a été disgraciée de la loi d'Israël. Mais l'autre a dit que tu ferais même le pleurer. Même si tu pleures un peu comment? Là où tu seras enterré. Il sera enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu, vous savez qu'elle est la grande mère du Seigneur Jésus? Donc, elle était incorporée. Donc elle était du peuple d'Israël. Donc effectivement, comment il fallait incorporer, n'est-ce pas? Alors que je pose la question. Alors dans le livre de Daniel. Prophète Daniel. Vous êtes tous dans Daniel. Oui. Dans le livre de Daniel, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes là-dedans. Le chapitre 2, le chapitre 4, et prenez le temps de lire. Mais vous savez ce que la statuette que Nabucodonosor voit, il demande à ses disciples, ses rois et autres, par exemple, pas interpréter avec l'arbre, n'est-ce pas? Si vous avez la liste là, allons droit au but par rapport à. Souvenez-vous de ce qu'il posait. Comment devait faire pour incorporer le peuple d'Israël? Regardez ici. Lisons à partir du verset. Mon Dieu. Vous allez prendre le temps pour lire. Lisez le verset 46. Daniel 2, le verset 46, il est écrit. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Un roi qui se prosterne devant son sujet. Oui. Allons-y. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Oui, 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit. Oui. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Oui. Il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Voilà, vous avez vu, c'est ce qui est arrivé. Quelque chose est arrivé, Daniel a expliqué, il a commencé à confesser ce Dieu-là. Oui. Mais plus tard encore, les serviteurs vont encore le soudoyer. Il va faire dans cette façon une autre statuette. Nous sommes au chapitre 3. Allons au chapitre 3. Vous connaissez l'histoire du feu, les gens qu'on jette dans le feu et que quelqu'un résiste et puis par la suite. Allons vers la fin de l'histoire. Allons-y au verset 28 et suivant. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu d'Adrak, de Meshach et d'Abednego. Oui. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Écoutez attentivement. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondice. Oui. Parce qu'il n'y a autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Amen. Vous avez entendu ça? C'est pour ça que Dieu l'appelle son serviteur. Dans l'œil de Jérémie. Et Dieu l'utilise, elle l'appelle le marteau pour briser les nations, pour briser le peuple. C'est lui. Voilà, ne vous connaissez pas. Donc, quand on fait les déclarations dans les enseignements, ce n'est pas pour rien. On ne peut pas dire, on ne doit pas sortir hors de cette Bible si ça se trouve là-dedans. Oui. Et à partir de moi là, Nebuchadnezzar s'est brisé. Il a dit que si quelqu'un apprend un autre Dieu encore, parle mal de ce Dieu, il va me sentir. Mm-hmm. Voilà. Il va me le mettre en pièce. Amen. Des questions? Donc merci frère pour ce que. Suivez les enseignements avec la Bible. Suivez, ne vous pressez pas, mettez pause. Regardez dans la Bible. Vérifiez dans la Bible. Scrutez la Bible. D'accord frère? Amen. Mm-hmm. Autre question? Oui, j'ai une question. Oui, frère. Ça doit aller d'abord en deux volets. Oui. D'abord personnel. Mmh. Moi, je ressens que j'ai besoin de la délivrance. Amen. De par mon parcours aussi. Mmh. Malgré que les enseignements là m'ont d'abord beaucoup délivré. Mmh. Amen. Amen. Mmh. Je sens qu'il y a encore un fardeau qui pèse sur moi et qui est en train toujours de me presser de ce que je dois normalement faire. J'aime la lecture, mais je ne lis pas. Écoute ton cœur, je suis tellement éveillé, gai, mais je ne lis pas. Quand je sors pour aller travailler, en rentrant, je suis épuisé. Oui. Et la prochaine étape, c'est le sommeil. Oui. Et même malgré le fait que je m'efforce pour me lâcher, pour faire quelque chose, lorsque je veux le faire, j'ai de l'oppression. Oui. Quelques rares temps que je peux retrouver pour lire un peu, je suis tellement content. Oh, je suis plus gai et encore délivré quand j'écoute les enseignements. Mais je voudrais lire aussi, comme il m'est arrivé une fois de le faire lorsque je venais juste de connaître ce qu'on appelle la Bible là. En ce temps là c'était une folie de ma part. Et après ça s'est estompé. Voilà. Je sens que là où je suis parti, là où ma maman m'a amené, comme tout Bamileke, m'a conduit, elle m'avait conduit chez un marabout qui a fait des visions, je ne sais pas ce qui s'était passé là. Oui. Après moi-même, il m'a amené. Elle avait la montée le chemin, non? Oui, voilà. Lorsque je suis quitté de Douala, lorsque les choses ont dit que ça ne valait pas, on m'a dit qu'il fallait laver. Oui. Tu as été baptisé chez les marabouts. Je suis allé là-bas et c'est qui? C'est ce qu'on appelle tapu. C'est-à-dire qu'il y a une danse là chez les Bamé qu'on appelle le kuba. Oui, on met les choses, les statues là. Oui, oui, ils ont souvent les cornes de bœuf là. Oui. Leur habit est tissé des cheveux. Oui. Oui. On dit qu'ils ont le pouvoir pendant la danse de faire pousser le bananier. Pousser un bananier et grandir et mûrir. Et voilà, ils ont voilà. Oui. C'est celui-là qu'on a amené. Il m'a mis quelque chose sur la tête avec des trucs là, comme si il refusait là avec lui. Oui. Il a allumé ça. Ça a explosé. Ça a explosé partout. Après, il m'a demandé de fixer le soleil. C'est plus tard qu'en lisant les écritures, j'ai compris de quoi. Il était question de fixer le soleil. Alors, après ça, il m'a donné, je crois que c'était les jujubes, d'aller jeter dans l'eau qui coulait en bas là. Oui. Je suis allé jeter. C'est plus tard que je comprends aussi par les écritures ce que ça voulait signifier. Oui. Après lui, après son étape, un autre marabout là-bas vers Bafan à Fortuné là. Je suis arrivé là. Et c'est le jour là que nous sommes allés à minuit. À minuit. À minuit, oui. Loin dans la forêt. Pour l'autre, la vache. Oui. Là, il m'a cassé les yeux sur la tête. Terrible. Et de là, fallait qu'on rentre maintenant sans regarder le derrière. Jusqu'à sa maison. Oui. Et c'est en ce temps-là maintenant que là, il a commencé à prendre les boutures de manioc qu'il a chargé. Bon, je ne sais pas ce qu'il avait chargé dessus. Mm-hmm. Pour me donner, pour que j'arrive à la maison, je mets dans le linteau de la maison pour blinder. Voilà, pour blinder. Okay. Et dans sa composition, il fallait qu'on arrive au marché et qu'on prenne une terre au marché. Dans les carrefours, et qu'on prend une autre partie dans les carrefours. Voilà ce que je me souviens. Voilà comment alors les dernières étapes que j'ai. Et aussi j'avais un cousin à Limbe là, un temps là, où nous sommes arrivés chez lui. Il est aussi Magnifique, comme ça s'appelle généralement. Oui. C'est eux qui étaient avec les petits Jésus dans leur moment de folie à l'ouest là. Oui. Oui. Donc, j'étais parti et en ce moment-là, quand je les voyais dans ce qu'ils faisaient dans les chefferies, j'en viens. Tu voulais être parmi. Je, oui, j'en, parce que moi, voir comment on détruit la puissance du mal, c'était vraiment quelque chose. J'avais tellement envié, jusqu'à s'il y avait possibilité en ce temps-là d'intégrer. Et que je devais être là pour raser parce que à ma pensée là-bas, je disais que voilà des gens qui sont en train de déterrer les choses ténébreuses que les gens ont enterrées pour nuire les autres. C'est encore plus tard. Que tu comprends que c'est Satan qui s'est joué comme ça là. Que Satan qui était en train de faire. Et là maintenant, quand je comprends le processus de délivrance, je sens que ces liens-là, ils sont encore. Avec toi. Ces liens-là sont encore en train de m'attacher au Dieu. Mais comment croire que connaissant quelque chose qui ne va pas, tu dois encore te retrouver là-bas dedans. Voilà. Voilà. Donc je sens que j'ai un problème. Là, c'est ça, c'est le passé. Voilà, ça c'est la partie individuelle. Ah, maintenant dans une autre question, je vais demander que les autres posent des rêves. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc nous voyons effectivement que chacun a besoin de rectifier les tirs. Si ce n'est pas rectifié, de moins de regarder où il est, où il est sorti pour pouvoir savoir si oui ou non il a les cordes là-bas. On dit aux gens aujourd'hui que non, si tu dis Seigneur, donne ma vie comme mon Seigneur, comme on dit que c'est terminé. Et Satan se rit de tout cela. Son histoire me rappelle, parce qu'il a parlé de ce truc bamlique quand on danse là. Ça me rappelle un ami à l'université avec qui on était à l'université. Il était toujours malade. Il avait son mois, le mois d'août, il avait un manteau comme l'apôtre Paul là. Que quand l'août arrive, il ne va pas chercher ça parce qu'il sait qu'il sera malade. Donc il y avait le manteau à la maison pour la maladie. Vous voyez, quand on commence comme ça, le premier août, subitement, vous voyez, il est toujours comme ça. Il dit, c'est quoi? Ça m'avait étriqué. Il dit, mais je l'observais. Une nuit, donc, parce qu'on était à l'université, on dormait ensemble. Mais c'est une nuit, j'ai prié. Lui, il disait pas ce qu'il en était. J'ai prié, demandé que c'est quoi. Subitement, le Saint-Esprit me dit qu'il a participé aux abominations. Il faut qu'il s'en répande. C'est ça la solution, qu'il a participé aux abominations. Je n'ai rien comme ça. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un et que quelqu'un vous connaît, c'est un défaut. Quand vous connaît dans la chair, c'est un défaut. Alors il y a notre frère qui venait de temps en temps compris. Il est venu, il m'a vu, je l'ai vu d'ailleurs, il dit que Dieu m'a dit que Alain a participé à des abominations. Il dit que justement il a reçu la même chose la nuit. Il n'avait pas dormi avec nous. Il dit, moi j'ai dit à Dieu que je ne transmets pas. Que lui-même il lui dit. Je m'étais décliné. Parce que d'une façon ou d'une autre, Dieu peut lui transmettre le message. Alors la nuit dont on a dormi à trois dans le lit. On a fini de lire, prier, on a allé se coucher. Subitement dans les rêves, il était avec ce brison-là. Subitement, il s'est levé dans l'eau, en criant de toutes ses forces. Waouh, je ne veux pas. Bam, quand il s'est levé, il tapait mon frère derrière, on s'est dit que le moment est arrivé. Il lui a révélé. Il s'est levé comme ça avec la sueur sur lui. Il y a le secouer, il dit qu'il y avait des statues qui me poursuivaient comme ça, que je viens dans la chambre là. Il dit, mais les statues là ressemblaient à quoi? Il a commencé à expliquer ces choses-là. Il dit, mais ça ne te dit rien, tu as fait quoi? Il dit que justement, son père était le chef de cette danse-là. Chaque fois qu'elle fait une manifestation, c'est lui qu'on envoie dans la... Apparemment, il y a une chambre qu'on garde cela de façon spéciale. Donc, c'est lui qui partait prendre cela. Il venait de nous pour qu'on s'en réveille. Et souvent, de temps en temps, quand il entre là-bas, il portait lui-même cela. Donc, les statues-là l'appelaient. On a prié pour lui instantanément là-bas, quand il a fini de confesser. Instantanément. Il a fait... Il a été guéri. Il a envoyé le brison. Jusqu'à maintenant, alors que je vous parle, je ne sais pas s'il y a encore la brison, ce brison-là. C'est terminé. Si ce n'est pas le Seigneur qui délivre, ce qu'on délivre là, on délivre en vain. Si c'est le Saint, c'est pour ça que le Seigneur, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut cela. Et là maintenant, lorsque vous commencez à observer, quand vous regardez que votre vie spirituelle ne va pas, vous voyez tourner en rond. Je vais toucher le cas du fait qu'il ne peut même pas lire la Bible. Parce que l'autre là, ça c'est sommaire. Il y a des petits démons là. Satan a des lois qu'il a demandé à ces gens de faire. La loi d'emmerdement maximum. Je vous en parlais. Donc, quand vous savez que vous avez participé, surtout les Bamelekés, surtout les gens qui sont nés dans les eaux, les gens de la forêt, vous feriez mieux de regarder votre background. Vous feriez mieux de regarder votre background. Et dire à Dieu clairement que ta famille a été idolâtre. Et que vous méritez de mourir. Il mérite de vous détruire tous. Mais vous invoquez sa miséricorde. Comme Daniel a fait. Quand Daniel a vu qu'il était en captivité à cause de la désobéissance, il dit que lui n'est pas mieux comme les pères. Que depuis longtemps, les pères ont désobéi à l'alliance. C'est pas ça, hein? Mais il a imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu a dit, il a envoyé un ange pour aller le faire. Il faut le faire. Parce que souvent on dit maintenant que non, je n'ai rien fait, mes parents ont fait quoi? Il a dit que je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. C'est pas ce qui est écrit? C'est écrit. Il faut qu'on fasse attention. Alors les évangélistes, certains viennent mentir aux gens que quand tu dis Seigneur, te donne ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur, que c'est terminé. C'est terminé. Il faut qu'on vaille, il faut qu'on parle plus loin que cela. Vous pouvez prendre la Bible, vous voyez les gens, par exemple, l'apôtre Paul dans la Bible, dont les ancêtres étaient toujours les Abraham, Isaac et Jacob. Vous pensez que pour vous, votre ancêtre, au plus tôt, au plus proche, celui qui est le plus sérieux, vivait dans les eaux. Le plus sérieux vivait dans les eaux. D'autres vivaient dans les troncs des arbres. Vous pensez que vous allez vous invoquer Dieu aussi simplement comme l'apôtre Paul a fait. Remarquez Timothée, on dit que son aïe, Loïs, est craignait Dieu, il avait la foi en lui. C'est ça qui a suivi Pierre, quoi. Timothée comme ça. Donc ton papa vit dans l'eau. Il sait quoi, les esprits des eaux. Tu crois que ça va venir sur toi facilement comme ça là. Parce que tu es trop beau. Il faut qu'on regarde la racine d'où on sort. Amen. Il faut qu'on regarde. On parle à Dieu. Comme le cas de notre père, comme il a dit là. Qui dénonce. Remarquez très bien qu'il a dit tout à l'heure que c'est ce qu'il veut dire. Il n'a pas encore dit. Le Saint-Esprit l'a poussé à 10 là. Le Saint-Esprit l'a poussé à 10 là parce que ce sont les choses que tu gardes en toi, tu as envie de protéger Satan. Il faut dénoncer, même si n'importe quel acte que tu as vu à faire, dénonce. Parce que quand tu es comme ça, là, quand tu ne dénonces pas, Satan va utiliser chaque fois pour t'amener là-dedans. Alors, il faut qu'on regarde vers le passé. Donc, frère, quand tu disais tout à l'heure que quand tu pars travailler, tu rentres chaque fois, tu es épuisé. Donc, à partir de cet instant-là, tu connais exactement quel est le problème qui fait que tu ne parviens pas à lire. Donc, tu connais que c'est le travail excessif. Tu as plus de temps dans le travail et l'épuisement. Voilà. Je rentre, puisque je coupe le sommeil. Oui. Il n'est pas possible. Juste vraiment, il faut une violence extrême. Et même quand tu ouvres la Bible, première chose que tu fais, c'est... N'est-ce pas, frère? Voilà. Alors, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous ouvrez la Bible, une fois, vous baillez, une fois, deux fois, trois fois, vous avez un problème. Vous avez un problème. Les temps. C'est comme ça que j'identifie. Il y a un garçon, celui dont je dis que la femme a été délivrée hier. Quand je lui ai donné la Bible de lire, quand il a ouvert la Bible deux fois, il a baillé. J'ai pas vraiment dit ça aux gens parce que quand vous ouvrez la Bible sous la direction du Saint-Esprit, les esprits commencent à fuir. Vous ouvrez la Bible parce que vous entendez quelqu'un gaz. Vous savez pourquoi il a gazé. Les esprits fuient automatiquement. Il y a des esprits seulement que l'ouverture de la Bible les chasse. Il a baillé deux fois. De quelqu'un avec qui vous allez partager la parole en voyant qu'il est là parti comme ça. L'esprit a giflé ses yeux. Mais vous finissez là, vous dites que parlons maintenant d'autre chose. Il y a un problème. Ça va l'indication qu'il y a un esprit derrière. Quand vous voyez des choses là, levez-vous. Levez-vous, éloignez-vous de cet esprit-là. Éloignez cet esprit-là de vous. Parce que le but c'est quoi? Quand ils savent que vous savez que vous avez entré dans la révélation de la vérité, ils n'auront plus place. C'est pour ça qu'ils multiplient ces choses-là pour vous maintenir là-dedans. Donc le frère sait exactement que c'est le travail qui est son problème. Mais je m'avais donné un carnaval maintenant, que quand il dit chaque fois ça commet des dégâts. Il y a un frère qui est venu au milieu de l'assemblée. Elle a dit que frère Junior veut suivre Dieu. Mais il a expliqué les mêmes choses. Il a dit ok, on va faire un style de prière ici. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il sort. D'accord. Les gens ne sont pas sortis. Il dit que si vous restez ici, même si vous ne priez pas, si vous êtes d'accord, il est resté. On a prié. Vous savez que c'est ici qu'on a prié. Père, tout ce qui n'est pas de toi et qui est dans ma vie, qui peut me gêner, enlève. C'est tout ça. Vous êtes là, vous avez mon travail. Attendez. Ton travail. Est-ce qu'il a dit vraiment que c'est ton travail? Parce que la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel ne font suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va créer obstacle à son propre but encore dans ta vie. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, il faut aménager cela. On l'a prié. Il y a quelqu'un qui était à l'intérieur là-bas, il a dit que ce n'était pas. Il regardait comme ça, il croit que c'était comme ça. Il est sorti, première personne, c'est lui. On allait dehors là. Quand il allait dehors, c'était fort. Même pour rouler avec le bus, il ne trouvait pas un seul client. Prochain état, il a dit que frère, la dernière fois qu'on a prié, on n'a pas demandé à Dieu de nous servir tout comme ça là. Il dit c'est quoi? Il dit que Dieu ne passe là dehors. Il dit mais vous êtes d'accord avec moi qu'on avait dit que on prie pour que Dieu enlève tout ce qu'il enlève. Avec votre vie, ne jouez pas à la compromission. Amen. Avec votre vie, jouez du sérieux avec le Seigneur, sachant que un de ces jours, nous allons le confronter. Oui. Donc ça ne sert à rien de jouer de s'imaginer. Il faut être sérieux avec le Seigneur, comme on dit servir là maintenant. Parce que devant lui, il n'y a acception de personne. Et il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer à la transparence. Si ça ne va pas, dit Seigneur, ça ne va pas. Ce n'est pas un manque de foi que de dire que ça ne va pas. Au lieu de porter la veste qu'on voyait dans les dénonciations, les gens portent la veste, mais ils rentrent pas manger les prunes. Il faut qu'on fasse attention, quand ça ne va pas. Parce que les gens disent que si tu dis que non, je suis foiré, c'est que tu en as confessé la pauvreté. C'est pas ça. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Amen. Donc quand ça ne va pas, dis Père, ça ne va pas. Parce qu'il a dit que faites connaître vos besoins par des prières. Amen. Si tu as besoin, dis-lui que Père, j'ai besoin de telle chose. Il me manque telle chose. D'accord, frère? Amen. Donc, j'ai dit, on va prier, si vous êtes d'accord, que tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, que ce soit personne, que ce soit objet ou chose, que Dieu éloigne, si ça ne vient pas de lui. Amen. Amen. Amen. Alors vous voyez, si quelqu'un donc était votre ami, vous avez rendez-vous, la personne vient pas, tu tombes encore, tu crois pas au téléphone, que ouais, pourquoi tu ne viens pas? quand il fait ses prières, c'est pour ça que vous voyez, c'est rare qu'il prenne le téléphone, j'appelle quelqu'un pour dire que tu n'es pas où est-ce que tu es depuis. Il ne fait pas cela. J'ai pris seulement parce qu'il y a des gens qui viennent, ils s'assoient là comme ça en voyant que vous avez parlé deux heures de temps pour des futilités. Mais vous ne pouvez pas partager la parole. Vous partagez la parole, vous dites que non, je connais déjà ça. Oh, la parole est là depuis plus de 2 mois, on prêche, on ne finit pas. Vous me suivez, frère? Oui. Donc, il y a des gens qui sont là pour nous tourner dans les distractions. Il ne faut pas qu'on soit distrait. La Bible dit que les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Amen. Rachetez le temps. Et on a l'air de blaguer. Les jours sont mauvais. Ils disent ça en l'an 95. Nous sommes 2000 ans plus tard. Si le jour était mauvais à ce moment-là, ça veut dire que c'est comment à cet instant. Et si on avait dit racheter le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suracheter le temps maintenant. Donc il n'y a pas le temps pour la distraction. Amen. Donc tout ce qui cause des distractions dans nos vies, que le Saint-Esprit puisse enlever. Amen. C'est là où on va sortir avec cette prière. Si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous dis la même chose. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il sort hors de la barrière. Parce que ça va bader. Si on prie comme ça, le Seigneur Jésus a dit, c'est sa volonté parfaite. Il a dit, si on demande quelque chose selon sa volonté. Sa volonté, c'est que nous marchons devant de lui de jour en jour avec les yeux fixés sur lui. Amen. Alors si quelque chose nous empêche que nos regards soient fixés sur lui, c'est un ennemi. Amen. D'accord, frère? Amen. Tu vas dormir le grand matin quand tu sors à 3h pour aller. Il y a des gens qu'on agresse à 3h. Oui. C'est toujours lui qui veille sur toi. Oui. Même pour lui dire, Seigneur, merci. Oui. Seigneur, tu sais que la chair est faible. Mais on sait que ce verset ne cite pas la partie suivante. Il a dit l'esprit est disposé. N'est-ce pas ça? C'est ça. Pourquoi on prend toujours ce qui est mauvais, que l'esprit, la chair est faible? Prends aussi que l'esprit est disposé. C'est disposé. N'est-ce pas? La Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Alors dans ce cas, ça veut dire ceci. Vous pouvez travailler véritablement. Et Dieu arrange votre emploi de temps, ça ne crée en rien son obstacle. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, c'est le manque de discipline. Nous ne sommes pas disciplinés par nous-mêmes. Amen. Mais il faut aussi qu'on se discipline aussi. Amen. Vous avez le temps de prier, le temps de jeûne, le temps de méditation. C'est-à-dire quand vous méditez, vous fermez votre téléphone. Même si vous attendez l'argent de n'importe qui, il peut attendre. Amen. Vous communiez avec le Père. Amen. Il faut ça. Il faut la discipline personnelle dans la communion. Amen. D'accord, frère? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va prier au sortir d'ici. Non? Pendant qu'on a de se divertir, quelqu'un veut passer de prier, il part. Mais de toute façon, au nom de Jésus-Christ, comme vous avez entendu, même si vous allez à l'extérieur, ça va vous toucher. Oui, j'ai une autre question là. Vous savez, je vous dis quelque chose. Il y a, quand il était dans le prêcher, j'ai fait un jour, j'ai temps de prier que tous les esprits qui sont dans ces salles sortent. Il y a une fille là, on l'appelle Christelle, elle venait chaque fois, elle a dit que c'est sûr que c'est parce que les gens tombent parce qu'on ferme les yeux. Elle a dit qu'elle va regarder les yeux pour voir vraiment ce que quelque chose fait. Après, elle a entendu quelque chose tirer ses pieds, elle a signé sur les fenêtres. Elle a dit que, mais ça tire le pied déjà. Après, elle est sortie hors de la salle, elle s'assoit. Que dans la salle, c'est fort. Même dehors, ça tire, c'est fort. Elle dit que non. Le milieu de frère, là, c'est fort là-bas. Elle peut être là-bas. Donc, si vous le fuyez, allez n'importe où. Quand vous êtes sous cette tension-ci, vous ne pouvez pas échapper. Amen.